Bongo, Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le gouvernement burundais devrait mesurer ses risques en important lui-même le carburant à travers la nouvelle société pétrolière. Selon un expert économiste, un manque à gagner sur les taxes et impôts que payaient les opérateurs privés dans ce secteur pourrait créer un grand fossé dans le secteur public. Vous l'entendrez. Et les journalistes sont appelés à s'armer de bons outils pour vérifier la véracité d'une information et des stratégies de déconstruire la rumeur, notamment en période électorale. Vous aurez les explications du directeur exécutif du collectif des blogueurs, Yaga. Dans ce journal également, un expert en justice transitionnelle nous donnera des éclairages sur les réparations matérielles ou symboliques en période post-conflit. Voilà pour le sommaire. La radio de l'avenir. Certains habitants de la capitale Bujumbura indiquent avoir des doutes que la nouvelle société pétrolière du Burundi puisse être à la hauteur de sa mission. Ceux qui se sont confiés à nos micros et caméras estiment que le gouvernement devrait plutôt trouver une solution à la carence des devises. Les consommateurs attendent néanmoins de voir si cette société publique chargée de la gestion des hydrocarbures pourra assurer régulièrement l'approvisionnement du carburant vu l'ampleur de sa carence ces dernières années suivies. Bon, ce que nous attendons de cette société, c'est que nous puissions avoir le carburant. Mais est-ce que nous sommes sûrs et certains que cette société va nous amener ce carburant? Parce que à mon niveau, je ne pense pas que ce soit un problème de carburant. C'est un problème qui est quelque part. Donc ça veut dire que moi je pense que c'est un problème de devise. Alors si cette société vient et que peut-être qu'il a un stock de départ pour commencer, pour démarrer. Mais puisqu'il va vendre, elle va vendre en Frambourg, est-ce que quand viendra le temps de retourner pour amener un autre stock de carburant, il partira avec les Frambourg? Le gouvernement a créé plusieurs associations comme la Régie des Eaux pour l'importation du carburant, mais cela n'a pas duré très longtemps. Espérons que cette société fera mieux. Les personnes n'ont pas les mêmes facilités pour accéder au marché du carburant. Cela peut être possible pour une personne, ce qui n'est pas le cas pour une autre. Moi, je pense que l'on devrait donner la chance à celui qui en a les potentialités pour que nous, le peuple, puissions pousser un offre de soulagement. Il faut chercher la solution au problème majeur. Le problème majeur, je pense, à mon niveau, je pense que ce sont les devises. Voilà, c'était des habitants de Bujumbura sceptiques quant à la capacité de la société pétrolière du Burundi à pouvoir juguler la carence du carburant. À ce sujet, l'expert en économie Diomède Nineretse salue ces décisions du gouvernement de créer une société pétrolière chargée d'importer le carburant, mais il nuance sa position en faisant remarquer que cela peut avoir des répercussions sur le trésor public, comme dans d'autres pays qui en ont fait la mère expérience. Dans son analyse, vous l'entendrez, cet expert en économie dit que le risque pour le gouvernement est de perdre les taxes et impôts qu'il collectait chez les privés qui importaient les produits pétroliers. Suivez Diomède Nineretse dans ses propos recueillis par Évariste Nzikobanyanga. Par rapport à la question si le gouvernement a pris une bonne mesure de créer une société Sopebu à concurrence de plus de 120 milliards, est-ce que c'est une bonne mesure? Bon, à la première occasion, c'est difficile de dire que c'est une bonne mesure parce que depuis la nuit des temps, le gouvernement a toujours été un mauvais commerçant. Ce n'est pas pour le cas du Burundi seulement, mais pour d'autres pays, on a toujours vu que le gouvernement n'est pas souvent à mesure de faire un bon commerce, surtout de faire une bonne concurrence. Parce que aujourd'hui, d'ailleurs, je crois que même dans le passé, le Burundi a toujours pris la décision de privatiser les sociétés, y compris les sociétés pétrolières. Aujourd'hui, alors, je ne comprends pas quelle motivation pour effectivement, encore une fois, reprendre les mauvaises habitudes de l'État de faire le commerce. Parce que vous vous souvenez que même l'État avait créé une société SCEP pour privatiser les sociétés de l'État. Et d'ailleurs, vous savez que maintenant, même les sociétés gérées par l'État souvent sont mal gérées. Je crois que le président de la République ne cesse de le dire. Aujourd'hui, alors, si cette société est créée, on se demande comment, parce que je sais que maintenant, il percevait beaucoup d'argent au niveau des taxes et impôts par rapport à ce produit. Alors, maintenant, alors, il va renoncer à la perception des taxes, mais aussi à l'impôt, alors que ces taxes et impôts contribuaient aider énormément aux autres secteurs, notamment l'éducation, la santé et d'autres. Alors maintenant, je pense que le gouvernement devrait beaucoup plus tourner vers la construction des infrastructures qui manquent, notamment les routes. Parce que si on parle que maintenant on consomme beaucoup de carburant, c'est parce que les routes sont mal bâties, sont endommagées. C'était l'expert en économie Diomède Ninhérétse, lui-même sceptique quant à la capacité de la SOPIBU à pouvoir réussir sa mission. La désinformation désoriente les consommateurs de l'information, affirmation du directeur exécutif au sein du collectif des blogueurs Yaga lors d'un atelier d'échange ce mardi entre les responsables des médias sur les techniques de la destruction de la désinformation. Gabos Pajon fait également remarquer que même la rétention d'une information par une source habilitée est sûre favorise la désinformation. Il appelle les médias à s'informer de bons outils pour vérifier la véracité d'une information et des stratégies à adopter pour déconstruire une fausse information, notamment en période électorale. On l'écoute. Les périodes électorales sont des périodes assez sensibles, plus particulièrement à l'endroit des médias en général, alors qu'il nous reste pratiquement une année pour que les élections prennent pleinement place. On y est déjà d'ailleurs, on est en période préélectorale. La désinformation doit prendre son cours, ça a déjà commencé, il y a des infox qui circulent ici et là, il y a le détournement de l'information qui est déjà là. La question, est-ce que nos médias sont suffisamment prêts, sont suffisamment équipés, suffisamment formés ou même informés eux-mêmes pour pouvoir contrer ou déconstruire la désinformation. Je ne dirais pas non, mais non plus je ne dirais pas absolument oui, parce qu'il y a des défis auxquels font face les médias burundais aujourd'hui. D'une part, il y a la précarité économique qui est une réalité au sein des médias. Et ça, lorsque vous n'avez pas les moyens matériels et humains pour pouvoir exercer votre métier, c'est impossible que vous puissiez répondre convenablement à votre devoir. Ça, c'est un défi. L'autre défi, c'est au niveau de la collaboration avec les autres acteurs de l'information. Lorsque les pourvoyeurs de l'information ne sont pas aussi ouverts, là, je suis en train d'évoquer le problème d'accès à la source de l'information. Vous l'avez entendu que les médias se plaignent que, par exemple, certaines autorités n'acceptent pas facilement de parler aux médias. Ça, c'est un défi auquel les médias font face aujourd'hui pour pouvoir contrer la désinformation. Parce que vous n'avez pas l'information factuelle et vous ne pouvez pas déconstruire la désinformation en fait. Je ne crois pas que les médias burundais soient suffisamment équipés et des moyens suffisants à leur portée pour pouvoir contrer ce genre de désinformation. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit désespérer parce qu'on voit qu'il y a des initiatives à l'endroit de nos médias qui essaient de s'adapter, qui essaient d'avancer tant bien que mal pour essayer de gérer la situation à leur manière et à leur façon et selon les moyens qui sont à leur disposition. Gabos Pajon, il est directeur exécutif au sein du collectif des blogueurs YAG. Avec aujourd'hui un taux d'adhésion ne dépassant pas 2%, le président de la plateforme de concertation des acteurs des mutuelles de santé au Burundi trouve opportun de mettre sur pied une loi régissant les mutuelles de santé communautaires en vue de susciter l'engouement des Burundais à ces structures. Docteur Edouard Nkurunziza s'exprimait au cours d'un atelier d'échange sur la couverture sanitaire universelle au Burundi. Il reste optimiste quant à l'atteinte de cet objectif par le Burundi pourvu qu'il y ait la volonté de la population, du gouvernement et de ses partenaires. Suivez-le au micro d'Apollinaire Muzagara, c'est notre correspondant en Ngozi. Les mutuelles de santé communautaires ont un taux d'adhésion qui reste faible de 2% aujourd'hui pour trois raisons principales. D'abord, il y a le manque des habitudes de prévoyance, encore surtout en santé au niveau de notre population. Les Burundais sont solidaires, les Burundais s'entraident, mais la prévoyance, on n'a pas cette habitude dans notre culture. La deuxième raison, c'est la non-obligation à une assurance maladie qui n'existe pas ici au Burundi, ce qui fait que les gens entrent dans la prévoyance en santé volontairement, selon comment il a compris l'importance de la prévoyance en santé. Troisièmement, c'est la juxtaposition de plusieurs mécanismes sur la même cible, ce qui fait que les mécanismes se livrent, je dirais, une concurrence en entre eux et la population n'arrivait pas à bien saisir les avantages de l'un ni de l'autre. Surtout que augmenter rapidement s'il y a une obligation à l'assurance maladie. Au niveau géographique, les mutuelles de santé sont présentes partout. Donc la population ne peut pas manquer ou se faire assurer. Également, il faut qu'au niveau de l'État, on arrive à élaborer une loi sur les mutuelles communautaires de santé. Parce que la loi qui existe aujourd'hui, c'est une loi qui date de 1958. C'était un décret royal du roi belge pour le Congo, le Burundi et le Rwanda. Donc vous comprenez que c'est une loi qui est toujours en vigueur, mais qui n'a plus son sens aujourd'hui. C'était Dr Edouard Nkurunziza, président de la plateforme de concertation des acteurs des mutuelles de santé au Burundi. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Justice transitionnelle à présent, la restitution des biens matériels n'est généralement pas difficile après des vérifications. Au cas contraire, l'État crée un fonds national destiné à la construction des sites mémoriels comme réparation symbolique, explique un professeur d'université expert en justice transitionnelle. Jean Bosco Arelimana s'exprime après que des fidèles des églises regroupées au sein du SNEB, le Conseil national des églises du Burundi, aient réclamé des réparations au cours d'une réunion, c'était lundi, avec la commission Vérité et Réconciliation. Selon toujours cet expert, la réparation reste un défi considérable. La question des réparations dans le cadre de la justice transitionnelle est un défi considérable. C'est pourquoi d'ailleurs c'est un des piliers des mesures de la justice transitionnelle. Mais concernant les réparations des biens qui ont été spoliés par d'autres personnes ou par l'État, s'il s'agit de biens visibles, immédiats, les maisons, les parcelles, les comptes en banque, les voitures, ça, généralement, ce n'est pas très difficile. On crée une commission, comme on en a fait, la commission Terre et autres biens, et on procède à la vérification, on suit les étapes jusqu'à l'étape finale de restitution. C'est d'ailleurs comme ça que ça s'appelle, c'est la restitution. On restitue à la personne, à la famille, à une organisation, les biens qui leur appartenaient. Mais des fois, les pertes ne sont pas matérielles, ne sont pas des maisons, ne sont pas des parcelles, ne sont pas des voitures, des comptes en banque. Bien même ce genre de pertes, on ne connaît pas qui s'en est approprié. Et donc, le gouvernement prend le relais en créant un fonds national de réparation. Mais généralement, ce fonds ne se focalise pas sur les biens matériels parce que dans les contextes comme les nôtres où les besoins en biens matériels sont énormes, on privilégie plutôt souvent les réparations matérielles par la mise en place des infrastructures, des routes, des bâtiments publics, des écoles, des hôpitaux, des sites mémoriels. Donc, réparation de type symbolique. Mais tout cela découle d'un processus de réconciliation qui passe par la vérité, qui passe par la justice. Et donc, les réparations symboliques viennent comme le couronnement. Sinon, en général, les réparations, c'est l'apanage de l'État. Jean Bosco Harerimana, professeur d'université, expert en justice transitionnelle. Et pour ce qui est de la parcelle aujourd'hui occupée par le ministère de la Santé, réclamée par ceux qui disent être leur ancien propriétaire, cet expert en justice transitionnelle suggère à la partie lésée d'entrer en négociation avec l'État et de s'entendre sur sa valeur réelle. Concernant la terre et les autres biens, les maisons, les voitures ou autres biens matériels visibles, l'idéal, c'est la restitution. Cela étant, si ça a été accaparé par le gouvernement ou une de ses agences et qu'il y a eu beaucoup d'investissements, il est d'usage d'entrer en négociation avec le gouvernement, avec le spoliateur, et donc de s'entendre sur la valeur réelle, et donc d'être restitué, soit avec une parcelle d'une même valeur, ou bien la restitution en liquide, donc une somme d'argent équivalente à la valeur réelle de la parcelle de la maison en question. Jean Bosco Arelimana, professeur d'université, expert en justice transitionnelle. Encore sans vie et découpé de la tête d'une femme d'une quarantaine d'années a été retrouvée le matin de ce mardi dans une latrine sur la colline Kasserégué en commune Muruta de la province Kayanza. Le présumé auteur de ce meurtre a pris fuite et reste activement recherché selon l'administration et la police. 6 personnes, dont sa femme, son père et ses frères, ont été arrêtées et sont entre les mains de la police judiciaire pour enquête. Les détails dans cette correspondance de Patrick Saint-Guillaume. Selon des informations fournies par Dissima Sinibaruta, chef colinaire Kasselegui en commune Muruta de la province Kayanza, cette femme est veuve, mère de 4 enfants et entretenait des relations avec un de ses voisins, avec lequel elle a passé d'ailleurs la journée du dimanche au centre Minga à la colline Kivingo en zone Mulima de la commune Kayanza, en train de partager un verre. La nuit de ce dimanche, c'est toujours la même source. Les enfants de la victime ont attendu le retour de leur maman, mais en vain. D'après le chef colinaire Kasselegui en commune Muruta de la province Kayanza, les enfants de la victime ont alerté l'administration collinelle le matin du lundi, la semaine en cours, que leur maman est introuvable depuis dimanche soir. Et le comité mixte de sécurité à la colline Kasselegui, conjointement avec la police à Muruta, se sont mis à la recherche de cette femme. Dissima Sinibaruta, chef collinelle Kasselegui en commune Muruta, indique que c'est le matin de ce mardi qu'on a trouvé des traces de sang près de l'enclos de son voisin avec qui elle partageait un verre le dimanche et qu'il aurait englossé d'ailleurs, selon des informations, sur place à Kasselegui. Après des enquêtes de recherche, le corps de cette femme a été trouvé dans une latrine de cet homme avec qui elle était ensemble le dimanche. Le présumé auteur de son meurtre est introuvable depuis lundi le soir, mais la police dit qu'il est resté recherché pour des enquêtes judiciaires. 6 personnes, dont la femme du présumé auteur de cette tuerie, son père, sa mère et ses frères, ont été arrêtés pour question d'enquête judiciaire, étant donné, selon la police opérant à Muruta, que cette famille aurait des croyances superstitieuses. La communauté les accusant de cannibalisme. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Ne tournez pas le bouton, nos programmes continuent. Jean Bosco, Douimana.